Ce soir-là, le théâtre Olympia est complet. Toute la ville s'est ruée pour assister au spectacle de voyance donné par le grand Christophe Sourmian. Nous sommes à Prague, dans les années qui précèdent de peu la Seconde Guerre mondiale. Christophe Sourmian n'est pas n'importe qui, c'est un personnage doté de dons incontestables. Bien sûr, certains pensent qu'il s'agit purement et simplement d'un illusionniste, et les discussions à son sujet sont sans fin. Je vous assure qu'il s'agit simplement d'un numéro de musical de grande classe. Je l'ai vu au Wintergarten de Berlin. Mais absolument pas. La dernière fois que j'ai assisté à une de ses réunions, il a fait des révélations incroyables à mon épouse concernant son père et ses cousins germains. Comment voulez-vous qu'il possède de tels renseignements? Il a mentionné des conversations qui sont de véritables secrets de famille. D'ailleurs, vous allez voir, si ce soir vous faites vraiment appel à lui, je suis certaine que vous allez être bouleversée. Effectivement, le spectacle, ou plutôt la conférence, ou disons la consultation collective, que Christophe Sourmian donne devant 500 spectateurs fascinés, trouble bien des esprits et ébranle bien des convictions rationalistes. En revenant dans les coulisses, Christophe Sourmian, comme à l'accoutumée, est très fatigué. Il claque littéralement des dents. Le régisseur s'inquiète un peu. « Ça va, monsieur Sourmian? Vous avez l'air épuisé ce soir. Oh, comme d'habitude. Mais ce soir, ils m'ont complètement vidé. » Et puis, j'ai vu plusieurs morts prochaines dans des conditions atroces. J'ai eu des visions de camps avec des milliers d'êtres mourant de faim, des fours incandescents, des corps accumulés. Je n'arrive pas à interpréter ça, mais j'ai l'impression que le monde court à une catastrophe imminente et planétaire. Mais dire quand cela arrivera, c'est difficile. En tout cas, je ne pouvais pas mentionner ces visions au public. Je n'avais pas le droit. Le régisseur reste muet. Il connaît bien le talent mystérieux de Christophe Sourmian et il est immédiatement persuadé que ses visions sont un très mauvais présage pour l'humanité. Christophe Sourmian fait un effort pour changer de conversation. « Bon, je vais vite rentrer chez moi et me mettre au lit. Après ces séances, il n'y a que le sommeil qui me remette d'aplomb. » Et une demi-heure plus tard, dans un appartement cossu du vieux Prague, Christophe Sourmian s'endort du sommeil du juste. Mais le sommeil du juste peut lui aussi être traversé par des visions troublantes, surtout si le juste est doué pour les visions dans des dimensions inconnues. Au réveil, Christophe Sourmian se sent à peine reposé. Bon, c'est pas trop grave. Aujourd'hui, aucune séance de voyance n'est prévue. Quand Elsa, sa vieille nourrice, qui lui sert aujourd'hui de bonne, vient lui apporter le plateau du petit-déjeuner, il ne peut s'empêcher de lui raconter le rêve qu'il vient de faire. Écoute ça. Je suis dans une ville inconnue, il pleut. Je marche sous la pluie. Partout, il y a des enseignes lumineuses qui clignotent. Et soudain, un autobus arrive et s'arrête. Je vois une jeune femme très élégante qui en descend. Elle porte un manteau bordé d'écureuil et une très jolie toque, faite de la même fourrure, qui est penchée sur son oreille. Elle ouvre son parapluie. En la voyant, j'ai la sensation de très bien la connaître. Mais en même temps, je ne sais ni comment elle se nomme, ni où j'ai pu la rencontrer. Alors, elle traverse la rue et se dirige vers un très grand bâtiment tout illuminé. Elle y entre. Je me décide à la suivre, mais au moment où je vais me lancer sur la chaussée, quelqu'un me frappe sur l'épaule. Devine qui c'est. Tu ne croiras jamais. Elsa répond avec résignation. Oh, avec toi, mon petit Christophe, je suis prête à tout croire. Tu m'en as tellement fait voir. Et tu m'en as tellement raconté toutes les couleurs. Christophe Sourmian n'entend pas le commentaire de la vieille Elsa. Il poursuit le récit de son rêve. Eh bien, la personne qui me frappe sur l'épaule, c'est Kalin Krombeck. Tu te souviens de Kalin Krombeck, Elsa? Oh, ce pauvre Kalin était si gentil. Dire que ça fait déjà 20 ans qu'il est mort. Et quelle mort idiote, dans cet incendie, à cause de la foudre qui avait frappé sa maison. Bref, je me retourne. Et Kalin est là. Il a une grande brûlure qui lui mange la moitié du visage et le front, exactement comme au moment où on l'a retiré de sa chambre. Mais moi, dans mon rêve, je n'ai qu'une idée, c'est de traverser la rue pour rejoindre la belle inconnue qui vient de pénétrer dans l'immeuble. Alors j'ai un peu honte de l'avouer, je m'élance en laissant ce pauvre Kalin en plan. Je la vois de l'autre côté de la rue, elle est en train de monter un grand escalier recouvert d'un tapis rouge, tout illuminé. Mais Kalin me frappe alors violemment sur l'épaule. Et c'est à ce moment-là que tu m'as réveillé avec le plateau du petit-déjeuner. Elsa ne s'aventure pas à diagnostiquer quoi que ce soit de bon dans le rêve de son cher Christophe, Mais Sourmian, durant les jours qui suivent, se laisse un peu obsédé par son rêve. Est-ce à cause de la présence de Kaline, le vieux copain mort depuis tant d'années? Est-ce par le mystère de la jeune femme inconnue et pourtant déjà rencontrée? Christophe Sourmian en parle même à son neveu qui commence une brillante carrière de psychiatre. Mais de cet entretien, il ne ressort rien de bien instructif. Le neveu dit « Je crois, mon cher oncle, que c'est la précision dans les détails de votre rêve qui vous impressionne. Vous arrivez à ne plus savoir exactement si vous avez rêvé ou vécu cette scène. À moins que vous ne soyez sur le point de la vivre. Avec vous, je m'attends à tout. » Il faudra patienter un an pour que Christophe Sourmian ait quelques éclaircissements sur la signification de son rêve. Sa tournée de conférence l'amène à Varsovie. C'est la première fois qu'il vient dans cette ville si pittoresque. Le haut clergé de la ville a fait savoir qu'il désapprouvait nettement sa venue et ses voyances. Mais cette interdiction a paradoxalement fait une publicité inattendue et déclenché un mouvement de curiosité sans précédent envers le voyant. Ce jour-là, Christophe Sourmian flâne dans les rues de la vieille ville, admirant les monuments pittoresques et se laissant aller au charme de la vieille cité. Mais soudain, il s'arrête, figé d'étonnement. Au détour d'un boulevard très moderne, il aperçoit un bâtiment tout illuminé. Mon rêve, ça y est. J'y suis, je le reconnais. C'est le bâtiment où la jeune femme si élégante est entrée. Soudain, la pluie commence à tomber. Christophe Sourmian remonte le col de son imperméable. Il est figé sur place et pense « Il faut que je voie ce qui va se passer. Il faut que je voie si mon rêve... » Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Un autobus vient de surgir du coin d'une avenue. Il s'arrête à l'endroit prévu où quelques personnes attendent patiemment sur leur parapluie. Sourmian écarquille les yeux pour voir les passagers qui descendent. La voilà. En effet, il reconnaît d'un seul regard l'élégante jeune femme dont il a rêvé un an plus tôt. C'est bien elle, avec son long manteau bordé d'écureuils et la toque faite de la même fourrure. Elle ouvre un parapluie et se met en attente au bord du trottoir pour traverser dès que le feu sera au vert. Sourmian se dit « Enfin, je vais savoir ». Il va pour s'élancer sur la chaussée, mais il ne parviendra jamais à rejoindre la belle inconnue. Quand il se réveille quelques heures plus tard, il se retrouve dans une chambre immaculée de l'hôpital de Varsovie. Tant bien que mal, on lui explique qu'il a été victime d'un malaise et que la police, l'ayant récupéré, l'a fait transporter aux urgences. Vous souvenez-vous de quelque chose? Avez-vous été heurté par un véhicule? Non. Non, maintenant je me souviens que j'ai eu un éblouissement et puis j'ai senti comme un voile violet qui me tombait devant les yeux. Et c'est tout. Le médecin-chef précise « Nous vous avons examiné sous toutes les coutures et nous n'avons rien trouvé d'anormal, ni plaie, ni ecchymose. Votre tension et votre rythme cardiaque sont parfaits, rien d'anormal au niveau des yeux. Mais si j'étais vous, je resterais ici pendant un ou deux jours, au cas où. » Le lendemain, une infirmière d'origine tchèque entre dans sa chambre et lui tend un journal en lui disant « Eh bien, monsieur Sourmian, on peut dire que vous êtes verni. Regardez les journaux. » Christophe Sourmian répond « Excusez-moi, mais si vous pouviez me traduire, mes connaissances en polonais sont un peu rudimentaires. Eh bien, vous avez dit qu'au moment où vous êtes évanoui, vous apprêtiez à traverser pour pénétrer dans un bâtiment illuminé de l'autre côté de la rue. Ce bâtiment, si j'ai bien compris, c'est le cercle de la Fondation Volkonski. Il est inclus dans un ensemble qui est consacré à la culture. Et hier soir, il y avait un grand gala de charité. Et alors, que dit le journal? Le journal dit « 50 morts dans un incendie gigantesque au gala de la Fondation Volkonski ». C'est ainsi que Christophe Sourmian apprend que presque immédiatement après son transport à l'hôpital, l'incendie a éclaté dans le bâtiment où il a vu pénétrer l'inconnue élégante de son rêve. Mais si je ne m'étais pas évanoui, j'aurais sans doute moi aussi été pris dans l'incendie. L'évanouissement correspond exactement au moment dans mon rêve où ce pauvre Kaline est venu me frapper sur l'épaule. Quelques jours plus tard, sorti de l'hôpital de Varsovie, Christophe Sourmian continue à rechercher dans les journaux polonais d'autres détails concernant l'incendie meurtrier auquel il a miraculeusement échappé. Il recherche aussi, sans se l'avouer, des traces de la belle inconnue qui l'a tellement intrigué, aussi bien dans son rêve que dans la réalité. Ce jour-là, un quotidien publie une pleine page de photographies des victimes. Et Christophe Sourmian ne peut s'empêcher de sursauter. La belle jeune femme est là. De toute évidence, c'est une photographie d'identité. Le journal explique qu'elle a été retrouvée dans un sac à main féminin aux trois quarts carbonisé. Mais on ignore l'identité de la jeune femme à la toque d'écureuil. Deux jours plus tard, Christophe Sourmian se rend au siège du journal pour obtenir des précisions sur l'inconnu. Ces précisions ne font que renforcer le mystère. Le rédacteur en chef explique « À la suite d'une erreur d'information, nous avons compté cette jeune femme au nombre des victimes. En fait, seuls les restes de son sac à main ont été retrouvés sur les lieux du désastre. Mais plusieurs témoins l'auraient vu quittant le gala de la Fondation Volkonski juste avant le drame. » Et Christophe Sourmian n'en saura jamais plus.